On va parler de la Ligue Midget 3. Il y a une équipe qui s'appelle les Chevaliers de Lévis qui connaissent des succès incroyables. Ils ont une fiche de 34 victoires, aucune défaite après la période des fêtes. Certainement, c'est un rendement inespéré lorsqu'on perd aucun match. Mais évidemment, ça doit amener de la pression. Quoi qu'il en soit, on en parle avec l'instructeur-chef Mathieu Turcotte. Bon après-midi, Mathieu. Salut, bon après-midi. Mathieu, 34 victoires, aucune défaite. C'est incroyable comme fiche. Jamais en début de saison, je t'aurais dit qu'au 15 janvier, tu aurais 34 victoires, aucune défaite. Tu m'aurais jamais cru, hein? Jamais. Non, définitivement pas. On est agréablement surpris là, de notre performance en tant qu'équipe. Puis, on savait qu'on allait avoir un bon groupe de joueurs, mais de là à être 34-0, puis vraiment établir de nouveaux records, là, on ne s'attendait pas à ça. OK. Est-ce que du côté des Chevaliers, 34 victoires, aucune défaite, est-ce que les joueurs, ça devient une source de distraction? Est-ce que ça doit devenir difficile? Parce que là, vous donnez des entrevues un peu partout au Québec, même un petit peu au Canada. Est-ce que ça devient une pression supplémentaire? Non, je pense que ça ne devient pas une pression supplémentaire pour les joueurs. Ce qui l'a été auparavant, c'est les séquences là, de 15 victoires consécutives pour commencer la saison. C'est certain que lorsqu'on s'approchait de la 15e, avec les médias ici à Québec, ça mettait un petit peu de pression sur les joueurs. Ensuite, c'était la séquence là, de 25 victoires consécutives sans défaite qui mettait de la pression là, sur les joueurs avec les caméras, avec les journalistes partout à nos pratiques et à nos matchs. Ça fait quand même une différence, mais depuis ce temps-là, honnêtement, c'est certain qu'il y a des entrevues à gauche et à droite là, de la part des joueurs, puis pour ma part aussi, mais non, c'est pas un stress supplémentaire. Je pense que le plus gros stress par rapport à ça, on l'a déjà vécu dans le passé. OK. Toi, comme instructeur, parce qu'on dit tout le temps, c'est beau 34 victoires, c'est beau tous ces chiffres-là, mais à la fin de la journée, si en série vous faites éliminer, tout ça, les gens ne s'en rappelleront plus. Comme instructeur, est-ce que tu espères que la séquence se poursuit ou tu espères un petit peu, pas un relâchement voulu, mais un relâchement quand même pour retravailler puis recentrer sur vraiment les vrais objectifs? Ben, à Lévis, on se concentre vraiment sur le processus puis notre façon de jouer. Juste lors du dernier match, je veux dire, on perdait 2-1, il restait 4 minutes en deuxième. On a trouvé une façon de revenir dans la partie, mais il y a plusieurs choses qu'on doit améliorer là, malgré notre fiche. Fait que c'est pas parce que notre fiche est parfaite que notre jeu est parfait. Je pense qu'il y a quand même une distinction à faire à ce niveau-là. Puis en tant que staff d'entraîneur, là, on se concentre vraiment sur les aspects à développer. Notre façon de voir les choses, là, il reste 8 matchs à la saison. Puis dans les 8 prochains matchs, on veut vraiment travailler sur ce qu'on a amélioré, puis arriver en série, là, prêt pour performer encore. Sur quoi que tu veux travailler davantage? Honnêtement, c'est un peu de tout. T'sais, malgré le fait qu'on est la meilleure équipe défensive de la Ligue en ce moment, je crois qu'on donne 15 à 20 buts. On a donné 15 à 20 buts de moins que la deuxième place dans la Ligue. On se doit d'être meilleur défensivement, autant là, nos attaquants que nos défenseurs. Les unités spéciales, on veut continuer de travailler là-dessus puis améliorer ça. Donc, c'est juste de peaufiner un petit peu de tout là pour arriver en série prête. OK. Dis-moi, j'imagine que là, avec 34 victoires, tu dois attirer les recruteurs de la Légion majeure du Québec. Il y a combien de joueurs qui vont être éligibles au prochain repêchage? On a 8 joueurs de 15 ans. Donc, okay. Ces 8-là sont éligibles. Puis, on a 2 joueurs de 16 ans qui n'avaient pas été repêchés l'année passée, qu'eux aussi sont éligibles. OK. Votre force, c'est vraiment la défensive. Tu me parles beaucoup de la défensive, 15 à 20 buts par match. C'est vraiment la force des Chevaliers? C'est difficile à dire. J'imagine que ça dépend à qui tu demandes. Je pense que l'année passée, on a remporté la meilleure équipe défensive. Cette année, comme j'ai dit, on a une avance de 15 à 20 buts là, sur la deuxième place pour encore remporter ça. Notre offensive aussi, cette année, c'est l'équipe qui marque le plus de buts également. Puis l'avantage numérique, là, on est la meilleure équipe de la Ligue aussi. Donc, notre force, honnêtement, je pense que c'est notre force de frappe offensivement, mais défensivement aussi, on fait un excellent travail. Puis ça passe un petit peu inaperçu, mais nos défenseurs, nos gardiens, puis vraiment tout le monde là, font un excellent travail défensivement okay. Également. La foule, comment que c'est? J'imagine que pour avoir vécu à Lévis, les commandeurs, c'était quand même intéressant, mais c'était pas la grosse foule. J'imagine qu'avec 34 victoires, ça doit être bon guichet. Ouais, ben la seule particularité cette année, c'est qu'on joue à l'aréna de Charny, étant donné des rénovations à l'aréna de Lévis. Okay. La capacité n'est pas aussi grande qu'à l'aréna de Lévis, malheureusement. Donc, on a quand même 5, 6, 700 personnes qui sont à nos matchs, mais c'est plein. Et on ne peut pas en rentrer plus que ça. C'est souvent plein à Charny. OK. As-tu besoin de ramener les jeunes à l'ordre pareil? Parce que ça, vous avez 15 ans, là. 34 victoires, aucune défaite. Il y aurait des jeunes qui auraient certainement le goût, j'imagine, de baisser le pied. Puis c'est normal, c'est des jeunes de 15 ans. Est-ce que tu as l'occasion quand même? Est-ce qu'il faut que tu le fasses de temps à autre? Ouais, je pense que tu sais, c'est comme n'importe quelle équipe, honnêtement. Que ce soit une séquence de 2-3 victoires des fois ou de 34. Je pense que il y a des moins bonnes journées qu'on doit rappeler à nos gars qu'est-ce que ça prend justement pour rester au niveau où on est en ce moment. Puis tu sais, notre travail, c'est d'être exigeant avec eux, puis s'assurer qu'ils travaillent. On a un excellent groupe de leadership qui l'année passée, ils ont vécu 14 victoires consécutives. Mmh. Donc, ils savent comment se comporter à chaque jour. Mais c'est certain que ça demeure des jeunes de 15-16 ans. Puis, par moment, on se doit de leur rappeler, mais ça prend pas grand rappel pour qu'ils se remettent à travailler comme il faut. Est-ce que là, c'est une année charnière, certainement, à Lévis pour votre équipe? Parce que l'an prochain, ça va être aussi pire. Y a-t-il beaucoup de vétérans ou ça va. Il faut quand même s'attendre à une bonne saison pareille l'an prochain? On risque de perdre là, tu sais, dans les 8 joueurs de 15 ans qu'on a cette année. Il risque d'en avoir 3-4 qui vont jouer junior majeur. Donc, beaucoup moins de vétérans l'année prochaine que cette année, c'est certain. Puis non, on ne s'attend pas à une saison comme ceci. Ça, c'est clair. Ben Mario, ouais. Mathieu, félicitations. 34 victoires, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. L'instructeur chef des Chevaliers de Lévis, Mathieu Turcotte.